Théâtre d'amateur par André Theuriet. En ce temps-là, j'entrais dans mes 18 ans et je commençais mon cours de philosophie. Mais j'étais, je l'avoue, plus féru de théâtre que de psychologie et de logique. Je lisais les drames de Victor Hugo plus amoureusement que le discours sur la méthode. Je n'étais jamais sorti de ma petite ville et n'avais jamais assisté qu'aux représentations données par une troupe de quatrième ordre dans une salle étroite et enfumée. N'importe, mon imagination suppléait à l'indigence des décors et à l'insuffisance des acteurs. Et quand j'avais vu représenter la ciguë ou Claudie, la prose de George Sand ou les vers d'Augier bourdonnaient dans mon cerveau nuit et jour. Je finis par communiquer un peu de mon feu sacré à mes camarades de classe et je les décidai à jouer la comédie. Un de nos condisciples, dont le père était fabricant de toiles de coton, nous offrit le vaste grenier de sa famille comme salle de spectacle et chacun se cotisa pour y édifier un théâtre. L'installation était fort primitive et rudimentaire. Cela ne ressemblait en rien à ces coquettes scènes illuminées et fleuries qu'on retrouve en hiver dans chaque salon parisien depuis que les représentations théâtrales sont devenues une sorte de sport à la mode. Pourtant, chaque fois que j'assiste à l'une de ces représentations mondaines, je ressonge avec une joie mélancolique à notre théâtricule. Je revois, comme si j'étais encore, notre salle de spectacle installée sous les toits. Le grenier avait été coupé en deux dans sa largeur par une cloison de toile. D'un côté était le foyer des acteurs, de l'autre s'étendait au fond la scène et en avant la place réservée aux spectateurs. La scène était de plein pied et manquait de dégagement, mais nous avions deux décors, un salon et une chaumière, et notre rideau tombait avec une lenteur presque aussi majestueuse qu'au théâtre français. Au-dessus de la salle sombre et nue, les solives du toit enchevêtraient leurs charpents touffus et dans les encoignures, les araignées grises, au bruit de nos coups de marteau, interrompaient, effarées, l'ourdissage de leurs toiles. Quand nous eûmes achevé de construire le théâtre à la sueur de nos fronts, nous discutâmes longuement le choix des pièces. Nous nous heurtions dès le début à une grosse pierre d'achoppement, l'absence de femmes dans notre troupe. Bien que presque tous complètement imberbes, nous manquions absolument de la grâce, de la souplesse et du charme nécessaires pour jouer des rôles de jeunes femmes ou jeunes filles. Or, comme il n'y a guère de pièces sans amour et d'amour sans amoureuse, nous nous trouvions fort empêchés. Après de tumultueux débats, je proposais passer minuit où deux hommes seulement sont en scène et le quatrième acte de Ruy Blas où il n'existe qu'un rôle de femme, la duègne, affreuse compagnonne, dont la barbe fleurit et dont le nez trognonne. Or, ce rôle-là devait être admirablement tenu par un de nos camarades, dont la barbe naissante et la bourgeonnante figure feraient une duègne accomplie. Ce programme, une fois arrêté, les répétitions commencèrent. Oh, ces répétitions de l'après-midi, dans la pénombre de l'obscur grenier, où les senteurs des bois de teinture entassés dans les caisses se mêlait à l'odeur âcre des toiles de coton fraîchement tissées. Je m'en souviens avec délice. J'avais grand-peine à faire comprendre à mes prosaïques compagnons les vers lyriques d'Hugo, mais moi, je m'incarnais dans mon rôle de Don César, et je m'y délectais. Le grenier aux murs humides, aux poutres drapées de toiles d'araignée, disparaissait. Je me croyais à Madrid, au fond de la petite chambre somptueuse et sombre de la maison de Ruy Blas, et je me sentais pris d'une vague et béate mélancolie en débitant sévère. Buvons, tous tes doublons ne valent pas le chant d'un ivrogne qui passe. D'ailleurs, un attrait fort vif était venu s'ajouter au plaisir des répétitions. Notre hôte, le fils du fabricant, avait une sœur de 19 ans, fort jolie, et cette jeune personne, après avoir énergiquement refusé d'être actrice, avait néanmoins offert ses services comme souffleuse. Mademoiselle Delphine, c'était son prénom, venait à chaque répétition s'asseoir dans la coulisse avec la brochure sur ses genoux et son aimable profil s'enlever en silhouette sur le jour froid des fenêtres du fond. Elle était déjà très formée, svelte avec de belles épaules, sa coiffure à la Sévigné encadrait d'abondantes boucles blondes, une figure rose un peu moutonnière, où luisaient de grands yeux bleus étonnés et où s'entr'ouvrait une bouche toujours souriante. Nous ne nous lassions pas de la regarder, plus attentif à ses œillades qu'aux répliques qu'elle nous soufflait. Elle s'apercevait bien de l'impression que sa jeune beauté de 19 ans produisait sur la troupe, et je crois qu'elle n'en était pas fâchée, ayant un bon fond de coquetterie. Hélas, comme dit un vieux proverbe latin, ubi Helena, ibi Troia. Là où il y a une Hélène, naît une guerre de Troie. Les deux acteurs les plus âgés, celui qui jouait donc Uritan et celui qui faisait la duègne, se disputaient surtout ses bonnes grâces et comme la coquette fille les leur distribuait à dose égale, la rivalité de ces deux jeunes coqs menaçait à chaque instant de troubler le bon ordre des répétitions. Il ne fallait rien moins que la crainte d'un éclat pour les empêcher de se prendre aux cheveux. Cependant, les rôles étaient sus. La pièce se trouvait au point et on résolut de procéder à une répétition générale en costume à laquelle on convia les parents et les amis. On avait frappé les trois coups, le rideau s'était levé solennellement en présence d'une trentaine de spectateurs. Rublas était en scène et débitait son monologue. Moi, je m'étais blotti au fond, derrière la cheminée d'où je devais dégringoler, quand au moment où Rublas disait d'une voix creuse « Le sort trouble nos têtes dans la rapidité des choses sitôt faites ». Un tumulte s'éleva dans la coulisse, suivi d'un échange de gros mots et du claquement d'un soufflet vigoureusement appliqué. C'était donc Uritan qui avait surpris la duègne en train de baiser la main de la souffleuse et qui giflait son rival. En un clin d'œil, tous les parents et amis avaient envahi la scène. Scandale, cris de réprobation, expulsion de Don Uritan et de la duègne en costume, évanouissement de la jolie Delphine, tout cela fut l'affaire d'une minute et la représentation s'en alla à volo. Le pire fut que le lendemain, notre professeur de philosophie, instruit de l'esclandre, en profita pour refaire le discours de Jean-Jacques Rousseau sur le danger des spectacles. Après quoi, il consigna tous les acteurs. Et ainsi s'effondra piteusement notre théâtre d'amateurs. André Theuriet.